Chapitre 6e. Madame de Ria se rétablit avec une promptitude qui faisait honneur à son tempérament, et elle se montra bientôt sur le boulevard dans toute sa gloire maternelle, escortée d'une nourrice provençale dont la coiffure bizarre et les yeux noirs réveillaient l'attention profane des passants. Lionel aurait vivement désiré que sa femme nourrît elle-même leur fils, mais Madame Fitzgerald, au nom de la santé et de la beauté de sa fille, avait opposé à ce désir quelques-uns de ces spécieux arguments féminins auxquels les hommes n'ont rien à répondre, attendu qu'ils n'en savent pas davantage. Il se félicita, au reste, de voir que la jeune mère s'occupait de son enfant avec une sollicitude passionnée, mais il vit en même temps avec regret que cette occupation laissait à Madame de Rias des loisirs considérables. Il n'était pas tenu, à la vérité, d'en remplir tous les vides, car il n'est pas d'usage que les maris accompagnent leurs femmes dans leurs visites et dans leurs promenades de la journée, et à cet égard il crut faire plaisir à sa femme en lui laissant son indépendance, comme il se faisait plaisir à lui-même en gardant la sienne. Il n'en était malheureusement pas de même des soirées. Ni la bienséance, ni la prudence ne lui permettaient de souffrir que Madame de Rias courût les bals et les spectacles sans son mari. Et une vive recrudescence de goût pour ces sortes de distractions s'était naturellement manifestée chez la jeune femme après les longs mois de réclusion et d'abstinence qu'elle venait de subir. L'hiver parisien se trouvait être, cette année-là, particulièrement brillant, et Lionel s'estimait heureux quand la même nuit ne lui offrait pas trois ou quatre fêtes successives. Mais sa femme avait certainement droit à quelques compensations, et quoique cruellement détournée par cette fièvre mondaine de ses habitudes et de ses travaux, Monsieur de Rias, par affection et par justice, se résignait avec une bonne grâce au moins apparente. C'était, il l'espérait, une crise passagère à traverser. Peut-être aussi se flattait-il au fond de son cœur que la Providence, qu'il avait secouru l'hiver précédent avec tant de bienveillance, lui viendrait encore en aide dans cette épreuve nouvelle. Un matin, en effet, vers la fin du déjeuner, sa femme, qui avait été pendant tout le repas remarquablement sobre et rêveuse, se couvrit tout à coup le visage de ses deux mains et fondit en larmes. « Ah, mon Dieu, ma chère enfant, qu'est-ce qu'il y a donc ? » s'écria M. de Rias en courant à elle. « Rien, » dit-elle à travers ses pleurs. « Ce n'est rien. Je voudrais voir ma mère. »« Mais enfin, qu'avez-vous ? Qu'est-ce qui vous arrive ? » ?»« Rien. Envoyez chercher ma mère, je vous prie. » Au même instant, Madame Fitzgerald, attirée sans doute rue Vaneau par quelques vagues pressentiments, faisait son entrée dans la salle à manger. Sa fille, sans lui laisser le temps de s'étonner, l'entraîna aussitôt dans le salon voisin où Lionel, le moment d'après, put entendre confusément un duo de murmures plaintifs et de sanglots étouffés. La situation était pénible pour Monsieur de Rias. Il leva légèrement les épaules, alluma un cigare, et se mit à parcourir un journal d'un œil distrait en attendant l'issue de la conférence. Au bout d'une demi-heure, qui lui sembla longue, la porte se rouvrit, et Madame Fitzgerald reparut seule, les yeux rouges et le teint enflammé. Elle promit à sa fille de venir la voir dans la journée, puis elle ferma la porte, et passant devant son gendre en se drapant dans ses fourrures, « Vous pourriez, lui dit-elle, vous dispenser de tuer ma fille. » Après quoi elle sortit majestueusement. Monsieur de Rias, en des conjonctures si délicates, montra une fois de plus qu'il avait l'esprit et le cœur d'un galant homme. Après avoir vaincu, non sans effort, les révoltes intimes de sa fierté, il entra chez sa femme, qui était encore tout éplorée. Il lui parla le langage d'une raison à la fois tendre et enjouée, la gronda un peu, l'embrassa beaucoup, et finit par lui persuader qu'elle était une petite personne assurément digne de pitié. Mais en somme, fort aimée et passablement heureuse. Madame Fitzgerald, quand elle revint vers le milieu du jour, les trouva tous deux sur un canapé, la main dans la main, souriant au jeune Louis Patrice qui faisait de la gymnastique primaire sur le tapis. « Vous ne sauriez imaginer, ma chère, » dit gaiement Lionel à sa femme, « combien votre mère a été dure pour moi ce matin. » « Mon Dieu, mon ami, » dit Madame Fitzgerald, un peu apaisée par la scène de famille qui frappait ses regards, « je vous demande mille fois pardon. J'ai eu tort, j'en conviens. Mais vraiment, il y a de ces choses qui n'ont pas de nom. Si vous vouliez faire de ma fille une couveuse, il fallait le dire. On prévient dans ce cas-là. Au reste, il paraît que ça lui convient. Ainsi, je n'ai plus rien à dire. « Ça ne me convient pas, maman, » dit madame de Rias, « mais je me fais une raison. » « Eh bien, ma fille, si tu te fais une raison, c'est parfait. » Lionel ne crut pas avoir acheté trop cher au prix de cet orage, si léger d'ailleurs, la période nouvelle de repos, de calme et de vie intérieure que cette matinée semblait devoir inaugurer pour son ménage. Il voyait déjà se développer devant lui une série de mois paisibles et confortables dans un séduisant tableau dont la chaise longue de sa femme occupait le centre. C'était un mirage trompeur. Il ne tarda pas à reconnaître que les meilleurs expédients s'usent et que les mêmes causes n'ont pas toujours les mêmes effets. La santé générale de madame de Rias s'était tellement fortifiée depuis l'année précédente qu'elle put cette fois-ci en dérober fort longtemps au public l'altération accidentelle. À force de discrétion et d'héroïsme, elle continua de suivre le mouvement mondain pendant le reste de l'hiver, passa l'été à Trouville sur l'avis d'un médecin complaisant et n'adopta le régime de la chaise longue qu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire pendant 15 jours. Bref, sans humeur, sans bouderie et même avec une sorte d'allégresse, elle parut s'appliquer à démontrer aux gens que l'on ne gagnait pas grand-chose à certains calculs machiavéliques. Monsieur de Rias, tout en trouvant sa femme très spirituelle, tomba dès ce moment dans un état moral voisin du découragement. Une charmante petite fille lui était née, à la vérité, mais l'accroissement de sa jeune famille, les soins réclamés par ses deux enfants, auraient-ils pour effet de calmer la fougue mondaine de leur mère et de la fixer à son foyer? Il l'espérait à peine, et il avait raison. Madame de Rias donna à ses devoirs maternels le temps qu'ils exigeaient. Mais elle n'en poursuivit pas moins avec beaucoup d'entrain ce genre de vie qui était le seul dont elle eut la notion et qui lui semblait parfaitement correct et irréprochable. Lionel essaya du moins quelques palliatifs. Il imposa certaines restrictions, et pour les faire accepter sans murmure, il eut l'adresse de s'assurer la complicité de sa belle-mère. C'était à l'occasion d'une de ces ventes de charité où des femmes du monde se divertissent à tenir, au bénéfice des pauvres, de petites boutiques élégantes, achalandées par leurs beaux yeux. Madame de Rias, invitée à figurer parmi ces gracieuses marchandes, sollicitait l'agrément de son mari. « Mon Dieu, ma chère, lui dit-il, vous ferez assurément ce qui vous plaira. Ou plutôt, c'est votre mère qui va en décider. Voyons, madame, ajouta-t-il en s'adressant à madame Fitzgerald, vous qui avez en matière de convenance un tact si sûr, si délicat, et permettez-moi de dire, si exquis, qu'en pensez-vous? Mais, mon ami, dit madame Fitzgerald, ainsi prise par son faible, à parler franchement, je ne suis pas folle de ces sortes d'exhibitions. De mon temps, cela ne se faisait pas. Il est vrai que les jeunes femmes d'à présent n'y regardent pas de si près. Vous voyez ce que dit votre mère, ma chère enfant, reprit monsieur de Rias. Eh bien, je vous avoue que je suis tout à fait de son avis, et que j'aurais horreur de voir le nom de ma femme imprimé dans le journal avec des commentaires aimables sur sa toilette et sur son physique. Je ne désire pas, en un mot, que vous fassiez partie de ce qu'on nomme vulgairement tout Paris. Et tenez, pendant que je suis en humeur de tyrannie, j'aimerais arrayer sur la liste de vos distractions présentes ou futures toutes celles qui exposent une femme à cette sorte de publicité malséante. Je vois votre mère qui m'approuve du regard et cela m'encourage. Je voudrais donc supprimer les apparitions bruyantes aux courses, les apparitions clandestines dans les petits théâtres de scandale, la fureur des premières représentations, des bals travestis, des comédies de salon. Enfin, toujours en me référant au bon goût de votre mère, généralement tout ce que recherche et tout ce que se permet votre cousine madame de Chelles. Je voudrais même, si votre mère n'y contredisait pas, supprimer madame de Chelles elle-même, qui devient décidément une personne de ne pas voir. N'est-il pas vrai, chère madame? Mon Dieu, mon ami, dit madame Fitzgerald, il est certain que c'est une jeune femme qui se lance beaucoup. Au reste, ma fille n'est pas très heureuse dans ses cousines. J'en excepte madame de Loris, qui est une petite perfection. Mais cette pauvre duchesse m'inquiéterait passablement si j'avais la prérogative d'être son mari. « Oh, maman !» s'écria madame de Rias à bout de sacrifice. « Laissez-moi la duchesse. Elle est un peu coquette, c'est vrai, mais si doucement, et puis elle me plaît tant. » « Si elle lui plaît tant, dit monsieur de Rias, laissons-lui la duchesse. » Il n'ajouta pas que la duchesse lui plaisait assez à lui-même. ce qui était pourtant la vérité. Après avoir pratiqué dans les plaisirs de sa femme cette sorte d'élagage, Lionel ne se sentit pas en réalité beaucoup plus heureux qu'auparavant. À quelques égards, sa dignité et ses susceptibilités de mari étaient mieux sauvegardées, mais son indépendance personnelle continuait d'être fort entravée. Dans les limites qu'il lui avait tracées, Madame de Rias trouvait encore un cercle d'activités mondaines très étendu, et forcée de l'y suivre, il y portait, sous son apparence habituelle de gravité et de courtoisie, un profond ennui.